Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, sortez les mouchoirs. Dans l'Amérique des années 50, Frank et April se considèrent comme des êtres à part, des gens spéciaux, différents des autres. Ils ont toujours voulu fonder leur existence sur des idéaux élevés. Lorsqu'ils emménagent dans leur nouvelle maison sur Revolutionary Road, ils proclament fièrement leur indépendance. Alors tu fais quoi dans la vie ? Je veux devenir actrice. Ce que je veux, April, c'est ressentir les choses, les vivre, vraiment. Frank Wheeler, je crois que tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée. Vous n'êtes qu'à une heure de la ville. Et comme vous le voyez, si vous voulez des enfants, il y a de la place. Pas par regretter la ville ? Rien n'est définitif dans la vie. Frank. On ne peut plus faire semblant de croire que c'est ça la vie qu'on souhaitait. On avait des projets. Tu avais des projets. Je sais. Regarde-nous, on est tombé dans le piège de cette idée ridicule, de cette idiotie selon laquelle il faut renoncer à vivre, selon laquelle on se range dès l'instant qu'on a des enfants. Leonardo DiCaprio, nommé aux Oscars. On peut être heureux ici. Je peux assurer ton bonheur ici. Kate Winslet, nommée aux Oscars. On doit affronter ça, c'est notre seule chance. Les Noces Rebelles, un très beau film de Sam Mendes avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, un DVD Paramount.